c'est sûr. Il y aura des jours en juillet où le soleil va briller, mais mon bateau va couler, c'est sûr. Qu'il faudra bien s'accrocher, bouger la tête et les pieds pour réapprendre à nager, mais c'est dur. Des fois je me dis que j'ai rêvé, mais quand je me suis réveillé, un cauchemar avait gagné, c'est dur. Oui mais c'est comme ça, je te jure. Sur la tête de ma planète, quand s'en ira faire la fête, j'oublierai pas ma triplette, je te jure. Sur la tête de ma petite sœur qui me regarde et qui pleure parce que tu pars avant l'heure, je te jure. Sur la tête de mon petit frère que je voudrais creuser la terre pour enterrer ma colère, je te jure qu'on se reverra là, c'est sûr. Sur la tête de ma planète, qu'on s'en ira faire la fête, j'oublierai pas ma triplette, je te jure. Sur la tête de ma petite sœur qui me regarde et qui pleure parce que tu pars avant l'heure, je te jure. Sur la tête de mon petit frère que je voudrais creuser la terre pour enterrer ma colère, je te jure qu'on se reverra là, papa. Mick est tout seul avec, je te jure, la 14e position francophone cette semaine dans les palmarès, c'est fou. Je disais que Mick tout seul, là, c'est le Mickey de Mickey 3D. Et on se demandait si Mickey 3D existe encore. Apparemment, oui, selon Wikipédia, en 2007, le groupe marque une pause, ses membres se consacrant à leurs différents projets annexes, dont un album solo pour Mickey. Donc, c'est lui qui est Mick tout seul. Juste avant, c'était la 15e position en francophone. C'était OK Volca avec Imaginaire incontournable. Ça vient de leur album éponyme. Voilà donc pour les nouvelles entrées francophones. On se rend maintenant du côté des nouveautés anglophones. On commence par la 15e position du côté anglophone. Voici Let's Drink de la formation Corpiclani au Palmarès Info 89.1. La radio Campus, Trois-Rivières. Clani avec Let's Drink, la nouvelle entrée en 15e position anglophone. Maintenant, on enchaîne avec la 14e position anglophone. Toujours The Polyphonic Spree. Leur nouvel album s'appelle The Fragile Army et leur pièce, c'est Running Away. Vous écoutez les Palmarès, c'est fou, l'émission qui vous fait découvrir ou redécouvrir la musique de demain, aujourd'hui. Celle que c'est fou vous présente à tous les jours, mais en un condensé de 30 pièces. c'est tellement bon. Plus tard, on va faire la chronique ailleurs dans les palmarès, donc restez là, mais tout de suite, c'est le Polyphonic Scream maintenant. Pièce grandiose de The Polyphonic Spree, Running Away. La dernière nouvelle entrée cette semaine, c'est la 14e anglophone. Leur album est génial et c'est The Fragile Army. Voilà. Juste avant, c'était la 14e francophone. Mick est tout seul avec, je te jure, de son album Les Chansons Perdues. Mick qui est de Mickey 3D. Voilà. Donc, ça, c'était nos nouvelles entrées. Hein? C'est fait, c'est passé. On sera à nos pièces connues, aimées. Les autres vont être aimées un jour. Je suis pas mal certain. Je pourrais dire, je te jure, comme dirait Mick. Mais bon. En plus que je suis seul. 13e position. Non. 13e position, c'est trop vite. Calmons-nous un peu. Et regardons ce qui se passe ailleurs dans les palmarès. Parce que pour les non-initiés, les palmarès, c'est fou. C'est plus que seulement un top 15 francophone et un top 15 anglophone. C'est aussi un top 10 électronique, un top 10 loud, un top 3 des disques canadiens et un top 30 des albums. Dans cette partie, on va faire les deux premiers. Top 10 électronique, aucune nouvelle entrée, mais la troisième place est stable. C'est Toy Cult avec So Loco. En deuxième, c'est aussi stable The Absence avec Movie Tones. Et en première, c'est tout aussi stable, troisième semaine de présence pour OTX avec A World in Red. Côté du top 10, top 10 loud. Dixième position, nouvelle entrée pour Covetis avec Live in Montreal. Ensuite, le numéro 2 est une nouvelle entrée, mais on va faire le numéro 3 avant. Descendre d'une place pour Megadeth avec United Abominations. Deuxième, je le disais, c'est une nouvelle entrée, Korpiklani avec Tervascanto, qu'on vient tout juste d'entendre, l'album. Et la première position est stable, huitième semaine de présence pour Symphony X avec Paradise Lost. J'ai oublié de dire que Megadeth est une 12e semaine pour eux. C'est notre palmarès, c'est très très bon. Donc tantôt, on fera le top 3 des disques canadiens et le top 30 des albums, mais retournons pour l'instant à notre palmarès standard. En 13e anglophone, on va entendre Megadeth avec À tout le monde, mais tout de suite, voici la 13e francophone, c'est Air et la mère du Japon. Air. 10e semaine de présence, descend de la 9e, donc c'est sûrement sa dernière semaine pour Air. Bon, on l'écoute tout de suite de l'album Pocket Symphony au palmarès C'est fou au 89.fm. I'm Megadeth avec À tout le monde en 13e position anglophone. C'est une descente de la 9e position. Et en plus de ça, ça fait 9 semaines de présence. Quel drôle de hasard. Juste avant, c'était du côté francophone, nos amis de Air avec Mère du Japon, qui, elle, était aussi en 9e position. Donc, aussi une descente de... J'essaie de compter vite. 4! Yeah! 10e semaine de présence pour Air avec leur pièce, donc Mère du Japon. Ouais, j'essaie de compter tellement que ça m'a déconcentré complètement. C'est moi, un problème de maths, c'est difficile là, quand c'est la différence entre 13 et 9. Wow! OK, donc 12e position des deux côtés, c'est très très bon. J'adore Fairy Farm du côté anglophone, mais juste avant, ça va être la Baroque Machine. Mais avant de faire ça, avant tout, il y a une introduction, voilà à ça. C'est comme pour vous mettre l'eau à la bouche, j'ai aucune idée de ce que j'en fais. Top 3 des disques canadiens, donc c'est tout stable de tous les côtés. National Parks avec Timber Vision est en 3e. En 2e, c'est Joel Plaskett Emergency avec Ashtray Rock. Et en 1ère, c'est Pride Tiger avec The Lucky Ones. 4e semaine de présence, 3e et 2e pour les autres. Donc c'est des pièces, des albums très très jeunes. Du côté du top 30 des albums, y a-t-il de nouvelles entrées? Oui, une seule en 12e, c'est The Polyphonic Spree avec The Fragile Army. Du côté du top 3, remontée d'une place 17e. On voit rarement ça. 17e semaine de présence pour Joel Plaskett Emergency avec Ashtray Rock. La 2e position est l'ancien numéro 1, Shit Disco avec Kingdom of Fear pour une 7e semaine. Et en 1ère, remontée de 2 pour Pride Tiger avec The Lucky Ones qui fait aussi 7 semaines de présence sur nos palmarès. Voilà qui est notre ailleurs dans les palmarès pour cette semaine. Retournons à nos chansons. Hein? Pourquoi pas Percy Farm, The Hour End, mais tout de suite, voici la Baroque Machine et Robo Academy au palmarès C'est Fou à la Radio Campus de Trois-Rivières. C'est Fou 89.1 FM, la radio la plus impressionnante au monde. Je joue à la... C'est les palmarès, c'est fou. Et on continue avec la 12e position anglophone. Voici Percy Farmy, The Hour Hand, remonté de 3 places au 89.1 FM. Farm avec The Hour Hand, 12e position anglophone, remontée de 3 places. Et juste avant, c'était la Baroque Machine avec Robo Academy qui descend de 6 positions. Ça fait 9 semaines de présence, mais disons que c'est une grosse débarque pour la Baroque Machine, peut-être une de ces dernières semaines. On est rendu à nos 11e positions, mais avant, regardons un petit peu ce qui s'en vient plus tard. On va parler entre autres des CD les plus vendus au Canada. On va parler des pièces les plus téléchargées sur iTunes. Un paquet de bons sujets, supposément de la compagnie qui s'en vient plus tard pour agrémenter un peu votre soirée. On va aussi avoir de bons vieux classiques que j'ai préparés pour vous. Avec entre autres, si je me rappelle bien, il me semble que j'ai pris du Dorothée toute salope. C'est toujours très bon ça. Toujours, toujours très bon. Voilà, donc retournons à nos palmarès. C'est 11e position anglophone, c'est Bradley avec Girl on TV. Mais tout de suite, voici Matt Fuzz et son Game Boy avec Montréal en canicule au palmarès. C'est fou au 89.1 FM. We'll be right back. Bradley avec Girl on TV, 11e position anglophone, descend d'une place 5e semaine. L'album s'appelle Pink Pill Program. Juste avant, c'était Matt Fuzz et son Game Boy avec Montréal en canicule qui remonte de deux places, de la 13e à la 11e. Seulement 3 semaines de présence, ça commence à monter tranquillement. C'est évidemment pour tout le monde, vous l'aurez deviné en l'entendant, mais j'aime bien ça. Regardons un petit peu les CD les plus vendus au Canada cette semaine. Surprise pour moi, en tout cas. Je me disais que pour participer à des émissions comme genre Les Grandes Gueules où ils font une parodie de Pierre Lapointe une fois de temps en temps, c'est drôle, mais il vient d'arriver, nouvelle entrée. 74e position, Pierre Lapointe, Forêt des Mal-Aimés. Donc ça, c'est sur le top canadien, évidemment, contrairement au top québécois. 41e position, Kat DeLuna avec Nine Lives. Oh, jeu de mots, 4 et 9 vies. Tellement recherché. Troisième position, c'est stable pour Bon Jovi avec Lost Highway. En deuxième, c'est l'ancienne cinquième position, la trame sonore de Airspray, le film. Et en première position, remontée d'une place pour Rihanna avec Good Girl Gone Bad. Si on regarde, c'est un quatrième position, Timbaland, cinquième, Fergie, Matthew Good, Michael Bublé, Avril Lavigne, Amy Winehouse et Linkin Park pour le reste du top 10. Côté les pièces les plus téléchargées sur Apple iTunes cette semaine, c'est simple. Cinquième position, Plain White Tees avec Hey There de Lila. En quatrième, c'est Me Love de Sean Kingston. En troisième, SOS de Jonas Brothers. En deuxième, c'est Crank That de Soulja Boy Tell 'em. Soulja Boy Tell 'em. Et en première position, c'est Beautiful Girls avec Sean, de Sean Kingston. Vous avez remarqué que ce sont pas des pièces que je connais particulièrement. Sixième jusqu'à la huitième, tu sais. Shut Up and Drive de Rihanna, Misery Business de Paramore et Rockstar de Nickelback. Wow! Tellement fort. Voilà qui fait le tour pour les pièces qui sont téléchargées sur Apple iTunes cette semaine. Les choses vont très bien. On est 40 minutes passé l'heure environ et on est rendu à nos 10e positions. On continue comme ça. Rien de plus le fun que ça. 10e position anglophone, c'est Bad Religion avec Heroes and Marchers. Mais tout de suite, voici The Brick et avec toi au Palmarès C'est Fou à la Radio Campus de Trois-Rivières, le 89.1 FM. We'll be right back. marche sur la lune, on va toucher au soleil. À Chamon dans les dunes, en plein pays des merveilles. Avec toi j'ai fait la guerre, sans penser à demain. Pour ensuite faire l'amour, jusqu'au petit matin. Avec toi tout contre moi. Tu vis dans mes pensées, même endormi je te vois. Avec toi tout contre moi. Là où tout le monde arrête, je continue avec toi. Avec toi dans ce monde de poussière et de sang, je me sens capable de le prendre et d'y faire face pour un instant. Avec toi si tu veux, on va parcourir la terre, lui faire chanter ses louanges, lui faire vomir ses enfers. Avec toi tu contre moi, tu vis dans mes pensées, même en temps je te vois. Avec toi tu contre moi, là où tu m'arrêtes, je continue avec toi. Legend avec Heroes and Martyrs, la 10e position anglophone, remontée de 2 places. Et juste avant, c'était The Brick avec Avec Toi, 10e position franco, qui descend de 5 positions. Leur album, c'est Visage Caché. Ça fait 9 semaines que c'est là, donc c'est sur ses derniers kilomètres. Peut-être mètres. Peut-être dans le système anglais aussi, ça pourrait marcher. Enfin bon. Donc voilà, qui fait le tour de nos 10e positions. Ah, ça me fait penser d'ailleurs que The Brick, j'ai un CD 2 à vous donner si ça vous tente de l'avoir. Et si vous écoutez en direct les vendredis soirs à 17h47, 20 secondes, appelez-moi au 819-376-5183. Mais attendez la fin de mon intervention, donc le 819-376-5183. Je vais essayer de répéter le numéro tantôt avant la fin. Mais bon, on s'en va vers nos prochaines positions, c'est-à-dire non, en fait, on va lâcher un petit coup. On va relaxer, on va se calmer. Et avant de passer au coureur de la semaine, on va se taper un bon vieux classique de la formation Les Trompe-l'œil, de leur super, super bon album Strobophone. Voici tout de suite sur ton joli divan rose. Au palmarès, c'est fou, au 89.1 FM, on rappelle. J'ai pas appelé le numéro 819-376-5183. À Appelez maintenant. Pour ce drôle. Trompe-l'œil avec Sur ton joli divan rose, une pièce bonus de leur album Strobophone ici dans les palmarès. C'est fou, ce n'est plus dans les palmarès, mais ça reste toujours très très bon. Maintenant, c'est l'heure du coureur de la semaine présenté par la chance au coureur. Et cette semaine, notre coureur de la semaine, c'est Girl Nobody avec leur album Balaclava Casino Heist. Un beau petit groupe comme ça avec de la musique très enjouée, très palmarès. Ça fait aussi très été. C'est juste bon en général, donc on s'en écoute une pièce tout de suite. Voici la pièce Balaclava Casino Heist. Ben oui, c'est la pièce titre, regardez-moi ça, c'est les palmarès, c'est fou au 89.1 FM. J'ai fait la même affaire ce matin. C'est juste drôle à faire. C'est vrai, ça prend pas grand-chose pour me divertir, moi. Yeah. demain, aujourd'hui. C'est fou, 89.1. Deux pièces de notre coureur de la semaine présentées par la chanson coureur. On vient d'entendre Sniffin' Glue et avant c'était Balaclava Casino Ice, la pièce titre du nouvel album de Girl Nobody. C'est leur deuxième album à cette formation pop alternative Trip Hop de Vancouver en Colombie-Britannique qui se sont réunis après une pause de 2 ans après leur album qui était acclamé par la critique. Donc les membres sont Marta Jesubik McKeever, Jeremiah Snyder, Joey Turco et James Northey. Si vous voulez plus d'informations, allez voir le girlnobody.com ou myspace.com/girlnobody. Évidemment, le lien est sur le site de La Chance au coureur, c'est le unechance.com. La Chance au coureur, c'est l'émission qui découvre les nouveautés musicales avec vous. Et c'est vendredi matin à 10h et samedi et mardi à 14h. Il faut absolument écouter ça. Pourquoi pas? C'est toute la nouvelle musique que c'est pour recevoir et on vous la passe. Et ça, ben, le coureur de la semaine, c'est l'album qu'on a décidé sur une échelle de 1. OK, c'est soit 1, l'album qu'on trouve qui a le plus de potentiel assez fou. B, l'album qu'on a le plus aimé. Ou Tertio. par défaut, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien de meilleur. Donc ça je donnerais une cote de entre 1 et B. Hein? À peu près dans ces quoi là. Donc voilà, c'est la fin de la première heure des palmarès. Résumons un petit peu ce qu'on a entendu depuis le début, c'est-à-dire du côté francophone, deux nouvelles entrées en 15e, OK Volca avec Imaginaire Incontournable. En 14e, une autre nouvelle entrée, Mick est tout seul avec Je te jure. En 13e, descente de 4 places pour Mère du Japon de Air. En 12e, descente de 6 pour Robot Academy de La Baroque Machine. En 11e, remontée de 2 pour Montréal en Canicule de Matt Fuzz. Et en 10e, c'est une descente de 5 pour The Brick avec Toi. Du côté anglophone, nouvelles entrées. En 15e position pour Corpi Clany avec Let's Drink et en 14e pour The Polyphonic Spree avec Running Away. En 13e, c'est une descente de 4 places pour À tout le monde de Megadeth. En 12e, remontée de 3 pour The Hour Hand de Percy Farm. En 11e, c'est Girl on TV et The Bradley qui descend d'une place. Et en 10e, montée de 2 places pour Heroes and Martyrs de la formation Bad Religion. Religion, c'est vrai. Dans la deuxième heure des palmarès, c'est fou, vous allez entendre des groupes tels que les Concassés, Pépé, Corrigan Fest, United Steel Workers of Montreal, Interpol, Klaxons et des tonnes d'autres choses. C'est à venir plus tard dans la deuxième heure des palmarès, c'est fou au 89.1 FM. Bon retour, c'est la deuxième heure des palmarès, c'est fou pour la semaine du 17 au 23 août 2007. Bon, on a toujours Mathieu Plante jusqu'à 20h les vendredis soirs. En rediffusion les jeudis, on est de 14h à 17h. Et c'est pas mal le fun comme ça, on apprécie. Voilà, donc deuxième heure où on va entendre les positions numéro 9 jusqu'à potentiellement les 5e. On commence par les 9e, pourquoi pas. Et du côté anglophone, c'est United Steel Workers of Montreal avec Small Town Banks. Mais tout de suite, voici la 9e francophone. C'est les Concassés et la mort du rock dans les palmarès, c'est fou au 89.1 FM. Ça tombe creusé, ma pluie incolcante.

on the west coast. I hear you moving real fine. You wear those shoes like a dove. Now strut those shoes. Interpol avec The Image Maneuver, 8e position anglophone qui remonte de 5 positions. Et juste avant, c'était la 8e francophone, Pépé avec Niaiserie qui remonte. Je devrais arrêter de dire remonte parce qu'il n'a jamais monté avant, je crois. Enfin bon, monte hein, de 7 places de son album 100% Bœuf. Ça fait plusieurs pièces qu'on entend de cet album-là. C'est très très populaire ici, assez fou. Ça joue à profusion. Hein? Voilà donc pour nos 8e positions, on est rendu à nos 7e, les choses avancent sur un rythme tout à fait normal, hein? Pas de pause, c'est non-stop, c'est, de la c'est des succès non-stop, hein? C'est comme un blitz musical, certains vont le dire. Voici la victoire en chantant de Corrigan Fest au Palmarès C'est Fou au 89.1, la radio campus de Trois-Rivières. Par-delà l'océan, au pied des Pyrénées, là-bas les maquisards résistaient dans la nuit et résonnaient en chœur les chants des insurgés. Oh, oh, oh, oh, la victoire en chantant. Oh, oh, oh, oh, la victoire en chantant. Allez, allez, la victoire en chantant. Ignore le goût des larmes, ignore le goût du sang. N'entends-tu pas au loin le chant des partisans? Elle est à nous maintenant, elle est à nous la victoire.

Au retour, Artist of the Year et les positions numéro 5 au Panorama C'est Fou au 89.1 FM. Vous êtes au Palmarès, c'est fou, et tout de suite, voici Artist of the Year avec la sixième position anglophone, c'est Year, au 89.1 FM. Artist of the Year avec la pièce Yeah! C'est la sixième position du palmarès anglophone de cette semaine. Et maintenant, je l'accueille avec le plus grand des plaisirs, Simon Bellerose et DJ King. Yeah! We're here! Mais quel bel accueil! Bonsoir, hey, les gars. Merci, Mathieu. Bonjour. Bonsoir à toi. Heureux de passer la moitié de l'émission avec vous ce soir. Oui, on voulait arriver avant, mais comme on est tellement en demande, on a créé une plus grande demande. Et là, on est là. Alors, je sais que les filles à la maison, vous êtes surexcitées, mais calmez-vous. Vous nous rappellerez après l'émission. Plein d'œil. DJ King, bonjour toi aussi, toi bonjour. Qui ne parle pas souvent. Ah, je sais, mais je me force. Au moins, t'es là. Je suis là. C'est ça. Vous étiez où, les gars? Juste une place où vous étiez, mettons... Le Charlot. Le Charlot! Oui! Oh, quel hasard! Oui, tout un hasard. On a été manger là, puis en même temps, on avait un petit rendez-vous, et c'est ce qui a fait, ça a été retardé. Mais moi et DJ King, on a mangé des moules. C'était-tu bon dans la C'était bouche? C'était délicieux. Et Calvin, ce que c'était malade. Ouais. On parle mieux que ça, par contre. Oui, je m'excuse. Bon. C'était bon. C'était parfait. Voilà, en résumé, ce qu'était votre soirée. Ben oui, maintenant. C'est ça, jusqu'à maintenant. Mais là, ça devient de plus en plus intéressant depuis qu'on a un micro devant la bouche et qu'on peut dire pratiquement n'importe quoi. Le plaisir dans la bouche augmente avec le temps. Ben oui, c'est sûr. C'est une belle soirée. Donc, vous avez amené de la musique aussi pour plus tard. On va avoir le temps de placoter, de dire tout ce qu'on a en tête, d'écouter de la bonne musique, des bonnes affaires. Hein? Oui. On va se gâter à soir. Hey, ça l'a convaincu. À soir, DJ King m'a dit qu'il était comme en feu. Là. Ah, il était en feu à soir. Je veux peut-être pas, là. Pour faire peur aux gens. En effet, ça paraît pas, mais pas pantoute. Oh, comme je vais être en feu à soir, oui. C'est ça, tu vas nous raconter des petites histoires. Ah, plein d'histoires. Quand j'ai hâte. Ben, en fait, il me parlait avant de rentrer en onde qu'il y avait un secret à livrer ce soir. Alors, probablement que ça va se faire. Ah, oh, ouais, je vais y penser. On va voir. Non, mais maintenant que tu l'as dit, il va falloir que tu le dises. Donc, c'est pas que tu vas y penser, c'est que tu vas le dire. On va voir. Faudrait que les gens nous appellent, voir si on devrait le dire. Et puis, inventer un autre. Tu sais, tu l'as pas dit, c'était quoi encore? Tu inventes n'importe quoi. Veux-tu nous présenter, par contre, la cinquième position francophone qu'on s'en va entendre à l'instant, s'il te plaît, DJ King? C'est les prostitutes avec New Wave Kid. Et en anglo? Oui, en anglo, je suis là avec National Parks et Border Patrol. Cinquième position du palmarès, c'est fou! Au 89.1! C'est cool! Tout à une pièce. Je suis sûr que c'est ça les paroles. C'est pas New Wave Kids. On le sait pas. C'est tout à une pièce. Voici Border Patrol de National Parks, la cinquième position anglophone. Vous écoutez les palmarès, la musique de demain aujourd'hui. Ah, c'est fou 89.fm. Bah, ouh. Tape avec tes morceaux de bois, prends tes morceaux de bois, fais tac tac. Beat my drums down in Mexico to Tijuana. Here I go. I beat my drums down in Mexico to Tijuana. Here we go. Beat my drums down in Mexico to Tijuana. Here we go. I beat my drums down in Mexico. The border patrol ain't got no control. 75 is the highway that I beat alone. 5 beats to the marching band, the rhythm is strong. 75 is the highway that I beat alone. 5 beats to the marching band, the rhythm is strong. 75 is the highway that I beat alone. 5 beats to the marching band, the rhythm is strong. 75 is the highway that I beat alone. That I beat alone. 5 beats to the marching band, the rhythm is strong. 75 is the highway that I beat alone. 5 beats to the marching band, the rhythm is strong. 75 is the highway that I beat alone. 5 beats to the the marching band, the rhythm is strong. 7 and 5. The highway that I beat alone. A 5-5-5-5-5-5-5. Beat my drums down to Mexico. To Tijuana, Tijuana, here I go. Beat my drums down to Mexico. To Tijuana, here we go. Beat my drums down to Mexico. To Tijuana, Tijuana, here I go. Beat my drums down to Mexico. Cause the border patrol ain't got no control. 7 and 5. It's the highway that I beat alone. 5. Beats to the marching band, the rhythm is strong. 7 and 5. It's the highway that I beat alone. 5. Beats to the marching band, the rhythm is strong. 7 and 5. It's the highway that I beat alone. 5. Beats to the marching band, the rhythm is strong. 7 and 5. It's the highway that I beat alone. A 5-5-5-5-5-5-5. We pack our horns. We leave the bones. We play the roads. We walk like the weather, with feet on the feather. We drum down the road somehow. We'll beat and roll with every drum. We'll beat and roll with every drum. 7 and 5. It's the highway that I beat along. 5. Beats to the marching band, the rhythm is strong. 7 and 5. It's the highway that I beat along. 5. Beats to the marching band, the rhythm is strong. 7 and 5. It's the highway that I beat along. 5. Beats to the marching band, the rhythm is strong. 7 and 5. It's the highway that I beat along. A 5-5-5-5-5-5. Cinquième position. Cinquième position anglophone. Mon doigt, ça peut soit vouloir dire vas-y ou soit pause dans le fond. Mon doigt, je pensais que c'était fini, mais avec. c'est National Parks avec Border Patrol. C'était simple. C'est vrai. Moi, je l'aurais su, j'aurais pas parlé. Mais ouais, ça, mais c'est parce que toi, t'es un DJ. Ouais, c'est ça, tu connais. C'est rien. La différence. Ouais. Pointer, ça veut dire pas mal n'importe ouais, quoi. Ouais, mais t'es un peu de biais, ça voulait plus dire pause que. En avant, plus. J'aurais pu faire deux doigts pour faire comme le pause, puis, ouais, mais ça aurait pu vouloir dire le crochet comme play aussi. Ça le peut... play, le triangle, là. Voilà. Hey, aucune façon de l'avoir. J'aimerais vous en parler. J'ai changé d'écouteur et c'est complètement fou la qualité de son. Là. Arrête-moi ça, t'es-tu sérieux? Je te dis, c'est malade. Hey, c'était quoi qu'on a entendu, DJ King, juste avant? Du côté francophone, ben oui. La cinquième position, c'était les prostituées avec New Wave Kids. Uh-huh. Et là, on fait quoi, là? Ben là, on placote un peu avant de dire. Là, je vais te montrer comment on fait ça. Faut que tu dises des fois là, que, mettons, la pièce, tu sais, a comme remonté trois places. Tu veux-tu, genre? Ouais. Hein? Ouais. Hein? C'est comme une leçon de vie, ça, là. Ouais. Là, ouais, mais tu l'as pas fait plus du côté anglophone? Ben oui, j'ai fait. Non. Je l'ai fait pendant qu'il chantait. Ah j'essayais juste de trouver une façon de te piéger. C'est bien que c'est très bien ta job. Non, mais avant de continuer avec nos positions numéro 4, parce qu'on est rendu déjà très, très loin dans nos plans, là, on va prendre un petit break. Ben oui, on va se gâter, comme on dit. On va se calmer avec un petit peu de Mimi Van Der Glo. Oui, vous savez quoi? Pourquoi j'ai choisi Mimi Van Der Glo? Pourquoi? Ben là, voyons non, donc. On sait pas. Mais non. Comment les gars? Tu n'as pas parlé pendant la toune, me semble. Non, je n'ai pas parlé. C'est ça, on le sait pas. Essayez de deviner. Okay, je vais vous donner des indices. Mettons, coffre à crayon. OK. Flambant neuf. Il retourne à l'école? Ils ont des enfants. Ils viennent d'avoir des enfants qui vont rentrer à la garderie. Non, il y a un concours de dessin à colorier. Ben, ils pourraient en avoir un, mais il n'y en a pas. Et ils veulent faire un feu, ils ont besoin de bois. Scène extérieure. Ah, ben, c'est ça, un feu. Ouais. Ah, ouais, OK, non. On est loin. Scène extérieure. Ils aiment le camping. OK, 10 000 watts de son extérieur à l'UQTR le 11 septembre. Wow! Il y a des morts là-dedans, je suis sûr. Ah, c'est sûr. Des émeutes? Non. Non? Surtout pas, il faudrait pas. C'est pas mal tout ce que j'ai là. Attends, tu peux leur dire ça de même. Le concert d'ouverture d'université ou... Lancement de la session début des études. Oui, c'est 2007. Commandité par... C'est le nouvel an. L'AGE. Oui! Oh! C'est un des cinq groupes qui va être là le 11 septembre lors du concert de l'AGE. Non, ça se pitchait en bas des fenêtres? Ben oui. Mais vous savez... Restez au premier, là, parce que sinon c'est dangereux. Ou un sol, parce que... Ben, fait qu'on s'en va écouter ça. Ouais, et quelle pièce tu veux? Tu dois choisir entre Polaroid, Vert de terre et Hitler en chocolat. Wow. Vert de terre, c'est sûr que c'est ça que je choisis. C'est tellement bon. Ah oui, c'est bon aussi. J'aime ça. Moi. Mais par la suite, je vous reviens et je vous dis qui est le groupe invité spécial Grandiose, une gigantesque qui clôturera la soirée du 11 septembre. Le headliner. Ouais. Oh, ça va être bon, on met tout de suite voici. Le 11 septembre? Non, le 11 septembre. T'as pas pogné? T'as pas pogné? Ma joke de... Non, je la répéterai pas. Non, je m'excuse. C'est ce qu'elle dit. Ah, c'est ce qu'elle dit! Voici Vers de terre, Demi-Mouard d'Anglo, Palmarès, c'est fou, 89 ans. On stoppe comme des balles de terre qui sortent par les tapis. Faut se trouver quelqu'un pour la nuit. La tête dans le cul est claire de 24 heures de brosse quand ça souvient. Vanderlo et Père de terre au palais. Il reste à peine quelques secondes pour vous mentionner le nom du groupe vedette. C'est qui? C'est Carquois. Dérangée chronique, elle est mystère et inconnue. Elle est maniaque à l'eau de rose, trop fanée pour se carrer son but. Elle est comme une mouche qui pique, mais aussi douceur continue. Elle fait la parfaite symbiose entre épilée et velue. Pour comprendre notre panique, faites-vous donc un compte rendu. Combien y a-t-il de poupées roses dans votre industrie de poissons crus? Ah! Sushi par-ci, galop plastique. Petite chanson déjà. Avant de vous jeter dans la fosse. La musique en me poussant des cris aigus, tissant et piégeant tous ceux qui osent critiquer son contenu. Le terme que l'on applique, c'est artiste déchu. Il est rare que l'on arrose un rosier révolu. Pour comprendre notre panique, faites-vous donc un compte-rendu. Combien y a-t-il de poupées roses dans votre industrie de poissons crus? Sushi par-ci, galop, plastique. Petite chanson déjà vue. Avant de vous jeter dans la fosse. De Carquois, et là, on a dévoilé le secret. Carquois sera là à l'UQTR le 11 septembre dès 21h. C'est pas génial, ça? Carquois sur le campus de l'UQTR, je vais adorer. Et en plus de ça, Mathieu, hein? Show extérieur. Oh, en plus, hey, il va faire beau en plus, hein, j'imagine. C'est sûr qu'il va faire beau, j'ai commandé du beau temps. Ah, c'est bon, c'est quoi le numéro pour ça? C'est cher. C'est cher? C'est plus cher que le numéro. Numéro 800, ouais, cher. Ouais. Mais enfin bon, donc Carquois, et puis on a entendu juste avant la pièce Vers de terre de Mimi Van Der Glo, qui va aussi être là. Je vais être là juste avant Carquois. Oui, et puis plus tard, on va entendre la musique de Jay-Z Bench 400 livres. On va vous mousser ça un petit peu pendant les prochaines semaines, vous en faire passer un petit peu jusqu'à temps que la date fatidique arrive. Mais là, je vois la question qui te brûle les lèvres. Mm-hmm. Je suis un étudiant l'UQTR, comment ça me coûte pour aller à ce show-là? Je vais faire comme si j'étais un étudiant. Je suis un étudiant de l'UQTR, combien ça coûte pour assister à ce show-là? Mais c'est gratuit. Mais dis donc. Mais je ne suis pas un étudiant de l'UQTR. Je ne suis pas un étudiant de l'UQTR. Combien ça me coûte? Combien ça me coûte? Combien tu penses? 3 millions de dollars! Seulement 5 dollars et vous aurez droit à un spectacle d'enfer avec 5 groupes. Tu sais que j'aurais facilement pu dire gratuit et me faire avoir avec ça. Oui. C'était un petit peu piégé comme question. Ouais, c'était pas j'avoue. Très fort de ta part. C'est pas du très bon marketing, ça. Je sais, mais je suis pas en marketing, je suis en génie. Pas un génie non plus. Ben non, mais c'est pas grave, ils vont me donner un bac qui va faire en sorte que je vais le devenir. Qu'est-ce que tu vas mettre dedans? Ben, je sais pas, je vais mettre des choses pour récupérer. Ah, d'accord. Un bac de récupération. Ouais, je l'avais un petit peu compris. Oui. Faisons un petit résumé de notre deuxième heure. Ben Simon, oui. Si tu veux bien avec moi. On a entendu dans cette deuxième heure les positions numéro 9 jusqu'aux positions numéro 5. Du côté anglophone, on avait en position, en 9e position, qui était en 11e la semaine dernière. Donc, ça remonte tranquillement. United Steelworker of Montreal avec Small Town Banks. On avait en 8e position Interpol avec The Enrich Maneuver. C'est comme ça se dit, Mathieu? Enrich, j'imagine. Ouais, on sait pas. Pas sûr, hein? Moi non plus. En 7e, on avait Klaxons avec Two Receivers. Et finalement, en 6e, on avait Artist of the Year avec Yeah! et en cinquième position. Qui était en septième? Donc, ça aussi, ça remonte tranquillement. National Parks avec Border Patrol. Du côté francophone, la neuvième, c'était les Concassés avec La Mort du Rock qui monte de 3 places. En huitième, remontée de 7 pour Niaiserie de Pépé. En septième, c'était La Victoire en chantant, l'ancienne onzième de Corrigan Fest. Et en sixième, c'était Udon Placard avec Lanterne Chinoise, plus 4. Et en cinquième position, plus 3 pour New Wave Kids de la formation Les Prostiputes. Qui est très bon, soit dit en passant. Les Prostiputes, c'est très intéressant. Je pense que chaque pièce va passer par le palmarès un jour. Je pense que oui. Je pense que c'est quelque chose de... La pochette aussi, c'est... Ça fait deux fois que j'en parle, je pense. C'est rose, hein? C'est des filles rose qui s'embrassent. C'est deux filles qui s'embrassent. C'est donc beau, la vie! C'est beau! Dans la troisième heure, vous allez entendre des artistes tels que Les Amis au Pakistan, Plasticine, Jacques Mort, Tricot Machine, Shit Disco, Symphony X, Joel Plaskett Emergency et Pride Tiger. Ouais. C'est dans la troisième heure au palmarès, il faut rester là! Bon retour, c'est la troisième heure des palmarès, c'est fou pour la semaine du 17 au 23 août 2007. Je m'appelle Mathieu Plante. My name is Simon Belrosus. Et mon nom est DJ King. DJ King. Yeah. Oh, oh. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver, qui viennent de se joindre à nous, parce que les palmarès, c'est en direct les vendredis soirs de 17h à 20h, mais aussi en rediffusion les jeudis de 14h à 17h. Donc, où que vous soyez, quand est-ce que quoi que quand que vous nous écoutez, bienvenue. Sachez que nous vous aimons. Tous profondément. Certains plus que d'autres. Ouais. C'est un peu comme dans l'équipe, il y en a qu'on aime plus que d'autres. Ouais. Oh. On dira pas de nom. Arrêtez de vous toucher, les gars. Arrêtez de vous toucher. Hey, ça vous tente-tu d'écouter une petite chanson qui dure pas longtemps? OK. Mais... Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que... Tu veux me dérouter un peu en mettant du plume? Ah! Non, c'est pas du plume, j'avais même pas pensé à ça. Tu veux quoi? Tu veux du Jesus Bench? Non, j'avais pensé à un album plutôt vert. TWE? Ouais. Ah! Oh! Il joue avec deux, genre 45 secondes. Approximativement. C'est un petit peu plus long que ça. Ouais, c'est la toune Imo par hasard. Ah oui. Ça, c'est toujours une petite satisfaction. Ça fait comme un soleil dans notre journée, hein? Ben oui, parce que on n'aime pas ça, des Imo. Non. Mais on n'a rien contre eux autres, mais on les aime pas. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Mettons Mathieu de Musique Plus, c'est non. Mais non, c'est ça. Non, vraiment pas. Pourquoi on les accepterait? Ben, je pense qu'on les aime dans une chanson comme ça. Ben, c'est pas eux autres qu'on aime. C'est la chanson. C'est la chanson. C'est TWA, c'est des bails d'avoir produit cette chanson-là. Ouais. C'est du lyrics. C'est pur lyrics. C'est parfait, là. Et juste après, ce sera Les Amis au Pakistan. Ah oui. C'est à peu près ça, des emos, t'sais. Arrête de dire ça maintenant! Je dis mes émotions! Je vais aller l'écrire sur mon blog! Bon. Ouais, fait que voici Les Amis au Pakistan et le bon soldat de plomb. T'sais, t'sais. Pourquoi on fait ça? C'est ça qu'on sait pas, c'est ça qui est le fun. C'est du plaisir en boîte. c'est épeurant? Oui. Vous êtes à l'émission la plus épeurante des ondes? Vous êtes en compagnie du diable et de ses amis. c'est une joke. Arrête, j'ai peur. On vous a eu, c'est même pas vrai. Ouais, là, on l'a dit. C'était les amis au Pakistan avec mon soldat de plomb et sans rien dire de plus, voici Joe Plaskett Emergency Fashionable People. Tu parles tellement vite sur le CFOU 89.1. La radio campus de Trois-Rivières. DJ King est là, je sais pas quoi dire. Dans les palmarès, c'est fou. I wanna drink too much. You look Polish. Got a wicked sense of humor. I feel dizzy. And I want your touch. Let's get tipsy and start a rumor. Feel restless here. I can't sit still. Everybody at this party's got their fingers in the till. I bet their parents are ridiculously loaded. Let's get moving before I'm loaded. The dancers need a dance floor. The swingers gotta swing. Fashionable people doing questionable things. You like my band, I like your boyfriend too. Do you think he'd understand? I can't remember how we ended up out here. But all good things have got to start somewhere. The dancers need a dance floor. The swingers gotta swing. Fashionable people doing questionable. Hitch a ride for free. The dancers need a dance floor. The swingers gotta swing. Fashionable people doing questionable things. Looking just like magazines. Fashionable, fashionable, fashionable people. That's what I'm talking about. On vient d'entendre notre position numéro 4 anglophone, c'est The Joel Plaskett Emergency avec Fashionable People. C'est stable. C'est très stable. Et alors? C'est comme, suivez les gars. Suivez. Ben oui, c'est stable. Mais c'est, si, c'est comme... Non, ben... non, c'est vrai. C'est comme, c'est vrai. C'est comme s'il y avait... Ouais. Moi, des fois, je finis pas mes phrases comme ça. Il va falloir qu'à la maison, vous vous habituiez à pas finir, à pas à vous attendre, à pas... Non, mais je pense que les gens à la maison peuvent se faire une fin différente. Ben, c'est ça. C'est comme créer votre propre histoire. C'est ça. Vous êtes le héros. Ben, c'est ça. C'est soit ça ou j'arrête de parler. J'ai pas envie de faire ça. Fait que je vais continuer à le faire. Ouais, c'est comme je dis tout le temps, tu sais. Fait que, donc, juste avant, c'était la quatrième position francophone. C'était les amis au Pakistan avec mon soldat de plomb. Hey, hey. C'était bon, hein? Ben ouais, je sais. On est rendu à nos troisième position. Il est déjà 12 minutes passé l'heure. En direct les vendredis soirs à 17h et en rediffusion les jeudis à 14h. Les gars, quoi de neuf? On parle-tu de... On parle de quelque chose que j'ai ici, là. On a découvert ça quand on est rentré dans le studio tout à l'heure. Et c'est quelque chose d'assez big, là, OK? Ah oui. 1982 à 2007, 25 ans de métal québécois, d'hier à aujourd'hui. C'est comme un festival de métal québécois, 25 ans, ça se passe au Club Soda à Montréal. Et là, il y a plusieurs groupes, dont le 31 août, on a les années 90. Le 1er septembre, on a les années 80. Et le 2 septembre, on a les années 2007. Mais le meilleur est à venir, je pense. Le meilleur est à venir. Attention. Il y a plusieurs groupes. Je ne les nomme pas. Vous irez voir sur le MySpace/25 ans de métal québécois. Mais là, le 31 août 2007, au Club Soda, il y aura... Mais quoi? Des performances de Air Guitar. Comment? Tu sais qu'on voit qu'il y en a qui l'ont pis il y a lui, hein? si. Ben, je serai pas là. Ben, c'est bon. Ils ont pas voulu prendre mon démo. C'est pas n'importe quel air guitar. C'est du air guitar sur du métal québécois. Québécois? Ouais. C'est fort. Ça va être assez... On va jeter ça par là. OK. Et voilà. Mais c'est pas nécessaire d'y aller si t'aimes pas le métal. Mais pour voir des gens qui font les fous d'eux, ça vaut la peine, je pense. Ça doit être fou. C'est où déjà? T'as perdu ta carte. C'est au Club Soda à Montréal. Ah oui, il y aura pas de tâche, là. Ouais. Non, il y aura juste des Club amis. Soda. Ouais. Non, c'est ce qu'elle dit. Non, je la comprends pas. Ben, peut-être que si t'expliquais aux gens, Mathieu, ce Merci que tu veux ça, dire. Ça va aller, je pense. Tu peux effacer des tâches avec du soda? C'est ça? Jacques Mort! Oui. Sans trop savoir, je ne s'en suivre un chemin. Celui des hasards, des coups du destin. Tu m'as souri, Jésus, que tout était bien. C'était le début de la fin. Comme des volets, au poussé de son nom. Qui s'allume, se consume, et s'endort dans ses seins. Comme des volets, au poussé de son nom. 31 au 2 septembre, revivez 25 ans de métal québécois au Club Soda. Des groupes comme Oblivious Music, Oregony et Metal Effect. Au Club Soda, du 31 août au 2 septembre, une présentation de Molson Dry, Bande à part et MetalUniverse.net. Les billets sont en vente pour 50$, tout inclus. D'un petit ours. Ouais. Je savais pas qu'elle allait faire ça à la fin, mais quand même. C'était beau, c'était beau. C'est superbe, superbe. J'ai sauvé la peau d'un petit ours. Puis son cœur, je l'ai pas volé. J'ai tué le chasseur avant qu'il shoote. Et l'ours m'a consolé. Tu es doux et juste un peu farouche. Mais je sais que je t'apprivoiserai. Tu as mordu dans mon cœur à pleine bouche et t'y es installé. Les années se suivent et nous rassemblent. Il y a toujours plus à partager. Dans la tanière qui abrite nos confidences, nous on a hiberné. Puis un jour, c'est l'été, c'est dimanche, et les framboises poussent par milliers. J'ai taché de fruits rouges ma robe blanche, et je vais t'épouser. Les yeux fermés, mains dans la patte, on avance. Dans l'allée d'un champ de blé shooté. Retour à No Kung Fu de Shit Disco au Palmarès. Et le frise-bière. Et le frise-bière aussi. Le frise-bière. J'ai hâte. J'ai oublié. On est maintenant rendu au numéro 2 du Palmarès C'est Fou, qui était numéro 1 la semaine dernière chez Disco avec I Know Kung Fu. I know kung fu. said disco! Hey, I know Kung Fu because I'm a fucking Chinese. I didn't say fuck. C'était pas très bien, ça, par exemple. Non, mais ça... Un petit peu des stéréotypes, par exemple. Fuching. Donc, je suis disco avec Aina Kung Fu, c'était l'ancien numéro 1 la semaine dernière. Donc, on a un nouveau number 1. Oui. Qu'est-ce que c'était avant francophone? Tricot Machine avec l'ours qui est en montée d'une position, qui était en troisième position la semaine dernière. Hey, ça va peut-être être numéro 1 la semaine prochaine. Peut-être. Oh, hein? Je sais pas. Ok, moi, je gage 5$. Non, on n'a pas le droit de gager. Non, c'est illégal. Yes, c'est illégal. Une chance parce qu'il était mal pris. Ouais, c'est dans il allait pas perdre 5$. On sait pas encore. On va le savoir. On sait pas. Ah. Ben ouais, ça va être Alain qui va décider. On sait pas c'est. Ouais, c'est ça. On sait pas c'est qui va être numéro 1 cette semaine. Parce que la semaine dernière, du côté francophone, c'était Jacques Marc. On l'a déjà entendu en troisième position. Donc, on a des nouveaux numéro 1 des deux côtés. C'est assez incroyable. Oui. En bas de donc, maintenant, je fais le tour pour les deuxièmes positions. Plus tard, ça va être nos numéro 1. Mais d'ici là, nous, on aime garder du suspense. Ah oui, ça. On étire la sauce un peu. Hein? Donc, on étire pas pire, pas mal. Voici notre célèbre bloc en haute définition. Tu as acheté, ça coûte cher. Bloc haute définition, ça veut dire des vieux classiques de C'est fou ou encore des choses qu'on a sélectionnées nous-mêmes par notre propre décision. Non, mais laisse-les décider à la maison. Ouais, c'est la semaine des phrases pas finies. Ça par notre propre. Par notre propre. Et comme je disais tout à l'heure, c'est comme elle dit. Mais là, cette semaine, moi, j'ai peut-être un petit scoop à vous dire. Non, un scoop? Le groupe qu'on va... Je pensais que c'était mon secret, t'allais dévoiler. Notre secret, c'est toi qui vas décider de le dévoiler si tu veux le dévoiler. Faut le faire d'ici la fin, là, parce que là, si au pire, tu sais, choisis un autre puis fais comme si c'était ça ton gros secret. Non, on va dire le vrai. On va dire le vrai secret. OK. L'idée, c'est que le groupe qu'on va présenter, la chanson qu'on va présenter en H2 cette semaine, est peut-être un groupe qui pourra peut-être... Et là, je dis bien peut-être, mais je travaille fort là-dessus, car je suis la personne qui travaille fort pour ça, ici à l'université. Avoir ce groupe-là à l'université en spectacle. Hey, ce serait fort, hein? Et ce serait complètement capoté. Ce serait génial. Hey, quelle pièce on écoute? J'espère que ça va être celle que je pense. OK. Non? C'est donne-moi une charade, mettons, pour celle que tu penses. Mimer? Je vais faire un mime à radio. C'est pas un mime à radio. Là, ça va être complètement ridicule pour les auditeurs. Oui, c'est ça, Mathieu, que je l'ai. Je savais qu'il l'aurait. OK, on va faire une charade, OK? OK, une charade? Je ne suis pas un chien, je suis un... chat? Ouais, un chat. C'est comme ça que ça... Un chasquette? Le titre, c'est ça? Une chasquette? Ouais, attends un peu. De chair. OK. Hein? Après ça, on peut mettre des fleurs à l'intérieur. Un pot? Chapoté. Non, c'est même pas ça le titre, c'est vrai. Il sait même pas c'est quoi le titre. Ah ouais, mais c'est parce que j'allais décevant. Dire... Non, okay, décevant. Attends. OK, je recommence. OK. Mets de la musique, c'est parce que j'ai pas de musique. OK, bon, OK. Les jeunes joueurs de football le mettent sur leur tête. Un casque. OK. Je suis la première syllabe d'un mot qu'on ne prononce pas souvent, mais qui est pour les masculins entre les deux jambes. Pic. Oh. OK. Cake, mais moi, je connais le titre. Ouais, c'est ça. Cake. Mais... Je suis un onomatopée que les Soulons font quand ils sont trop sous. Casquero. Hein? Ça va. OK, voici Cascade de Géante, un micro, mon palmarès, c'est fou! 89.1 FM. Casque de football. Casque de football. Quéquette. Hut. Casque. Oh, ça! Et je suis... Casquette de géant, sur nos têtes d'enfants. Le chef fut magique, nous rend vraiment très méchants. Casquette de géant, sur nos têtes d'enfants. Le chef fut magique, nous rend vraiment très méchants. Oui, ma palette est bien droite, point drapeau, c'est plus beau cap. Casquette de géant, dirait que j'ai maigri pendant la nuit. J'prends des casquettes à palette, fuck les trucs quand qu'il fait frais. Tuit, seule pointure que je porte. T'es malheureux, ta grand-mère est morte. Moi, je te rue, j'ai une nouvelle casquette. Comme ta copine, je vais la mettre. J'vais te les oiseaux pour les cheveux de moi. Oh non, voyons. T'as cassé ta vie à petit. Ça me dirait que dans la vie, t'as rien compris. Pour toi, le style, c'est pas important. C'est un problème depuis que t'es enfant. Ta mère t'a habillé jusqu'à 14 ans. C'est parfait, ça me lave en plein. Gabo, regarde ma nouvelle casquette. Bravo. Mais faut pas tout le temps la mettre. Paraît que c'est la seule que t'as mon grain. Toujours ni après c'est sali. L'autocollant est même parti. Mais pour l'instant c'est pas important. Bien bien investir son argent, ça vient avec le temps. Omnichrome, on a plus de casquettes que de cheveux. Casquettes de géant sur nos têtes d'enfants. Le chef-huître magique nous rend vraiment très méchants. Casquettes de géant sur nos têtes d'enfants. Le chef-huître magique nous rend vraiment très méchants. New era, Mitchell and Ness. Oui, mon gars, signe de noblesse. Je dis ça sans aucun stress. Nos casquettes valent plus que reste. À mes yeux, en tout cas, je t'évalue au nom de t'en as. T'en as deux, ça compte pas. Les palettes sont en mauvais état. Ah, pour me voir chaque jour, je ne porte jamais la même. Pour elles, c'est chacune leur tour et elles n'y voient pas de problème. Bleu, jaune, rouge, vert. J'ai toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Fuchsia, lavande, rose, bonbon. J'ai même toutes les couleurs pastel. Casquette de géant de pointure, oui. Une main de chaque côté, ça fait. Palette bien droite, la tête droite. Recouvert par mon trophée. Tout le diamant orné. Personne d'autre peut la porter. C'est la plus belle que tu as vue. Approche pas trop, tu baves dessus. Elles sont toutes si belles, oui, si jolies. Alignées devant mon lit. Demandant qui je choisis. Ma chérie, viens ici aujourd'hui je vais te gâter. Car c'est toi que je vais enfiler. Casquette de géant sur nos têtes d'enfants. Le chef-huître magique nous rend vraiment très méchants. Casquette de géant sur nos têtes d'enfants. Le chef-huître magique nous rend vraiment très méchants. Casquette de géant sur nos têtes d'enfants. Le chef-huître magique nous rend vraiment très méchants. Casquette de géant sur nos têtes d'enfants. Le chef-huître magique nous rend vraiment très méchants. Un micro avec casquette de géant, on enchaîne avec Rush, voici chaud d'autre. Ça n'a pas rapport, Rush puis ça. Là, rien à voir. Ça rien à voir, mais Rush va être là en septembre à Montréal puis à Québec. Okay. Et ça va être parfait. Et bon. Ça va être très bon. Et je suis en train d'organiser de quoi pour y aller. Là. Je vais y aller. Ok. Tu vas pas les amener à l'écuteur? Ben non. Ah. Ils sont pas assez, ils sont trop gros. Décevant un peu. Ils ont trop engraissé, tu sais. Au palmarès, c'est fou au 89.1. FM, la radio campus de... Chibougamau. Hein? Ou Trois-Rivières. Ah. Oh, C'était Rush, qui vont être en spectacle au Centre Bell le 14 septembre. Et le 15 septembre, ils vont être à Québec, au Colisée Pepsi. Et je n'ai parlé avant la chanson, justement. Je suis en train de travailler pour y aller. Je me demande juste si je l'offre en cadeau à un de mes chums ou bien si je dis « paye-le, mon calé ». Alors. L'année prochaine, en show à l'UQAM. Show Don't Tell était le nom de la pièce. C'est l'album Presto de Rush. J'ai pas dit ça du tout. L'album date de. C'est sorti en 1990, je crois. Je suis pas sûr. Mais Rush, c'est. N'importe quoi, j'aurais pas dit. Oui, 90, c'est ça. Ouais. Moi, la voix du chanteur de Rush me fait capoter. Ce gars-là, il chante, il est comme. Comment? Non, mais je pense qu'on a compris. Ah, ok. T'aimes ça maintenant que je fasse ça. J'adore ça. Ton spotlight quand je t'enlève la musique. Rush, voilà l'album. Donc Christo. Rush qui. Moi, je comprends pas pourquoi les billets n'ont pas été vendus aussi rapidement. Parce que Rush. Pourquoi les gens sont pas rushés pour aller. Mais non, ça, ils ont pas été. C'était pas le rush pour. Non. Bon. Peut-être qu'ils étaient pas eu dans le Rush Hour lors de point. Peut-être. Ouais. Vous savez qu'il va y avoir un Rush Hour 3. Ben, il est pas déjà sorti, ça. Ça doit être ridicule, ça. Ben, c'est quoi la différence entre ça pis n'importe quelle autre suite, là? C'est quoi la différence entre ça pis n'importe quel autre film de Jackie Chan? C'est ouais. Ça qu'il faut dire. Ça va être trop raison là-dessus. Non, mais les suites, c'est le fun parce que, tu sais, c'est une petite 2 heures facilement passée avec des gens que tu connais, ouais, dans le film, ouais. Des personnages que t'as déjà vus. C'est pas affreux, mais je sais pas. Ouais. Non, pas sûr d'aimer ça. Ça se fait, mais tu vas pas payer 8$ pour aller au cinéma. Non, c'est 9$ même. Ouais, 9$. C'est sûr que tu payeras pas 8$. DJ King, tu me parlais d'un film justement tout à l'heure là, que t'as dit. Oui, que t'as écouté, j'ai écouté le film Super Flick. Ouais, c'est quoi ça? C'est les acteurs de Shaun of the Dead. Je sais pas si vous savez c'est quoi. Shaun et les zombies. Mm-hmm. C'est les deux acteurs principaux. Dans le fond, t'as le gros et le petit. C'est ça. Mais c'est très drôle le film. Le film est plus ordinaire au début, mais à la fin là, ça vaut la peine juste pour écouter la fin là. Tu ris tellement là. Mais c'est une vraie comédie. Mais là, est-ce que tu payes 4,50$ pour louer ça ou t'attends que ce soit 1$? Ben moi, je paierais quasiment 4,50$. Mais là, ça dépend. Là. Moi, je fais des gros salaires en tant que DJ. Là. Je sais ouais, pas ouais, pour ouais, vous, là, ouais. Mais... Dans tes rêves, ouais. Je sais pas. Non, bon, si vous voulez rire un peu à la fin, ça me va à peine. Ben, ouais. Ah ben, je pense que je vais le payer, le 4,50$, je vais aller le voir. Ouais. Ben, je vais le louer, en fait, je vais le regarder chez nous, je vais pas le voir là-bas. Tu vas te le copier. Ben, puis... j'ai oublié d'aller le reporter, fait que je l'ai encore chez nous. Ah, bon, voilà. Ah ben, on va l'écouter à soir. Je suis en retard, fait que... On va se procurer ça. Hey, vous savez ce que j'ai écouté cette semaine? Quoi? Un film qui est sorti depuis trop longtemps, mais j'ai écouté Full Metal Jacket. OK. Avec... Oui, c'est Stanley Kubrick qui a fait ça. OK. Je pense que c'est le seul nom qui est connu là-dedans. Les acteurs sont pas connus. Ben, ils sont connus. L'acteur principal, je l'ai déjà vu dans un autre film, mais... Connais-tu ça, Mathieu, toi, Full Metal Jacket? Non, mais je suis en train de chercher pour voir. Pour vrai? Oui. Ça, c'est le film qui raconte un peu les Marines dans le temps du Vietnam. Là. T'as la moitié du film, c'est le camp de Marines. Puis t'as l'autre moitié du film, ben, c'est la guerre au Vietnam. Moi, j'avais l'impression que c'était un film avec Whoopi Goldberg. C'est quoi le nom de... Jump et Jack Flash. Ah, ou Rocket Nun 1, 2, 3. Non, mais je regarde des acteurs. Adam Baldwin, Vincent D'Onofrio. T'as Baldwin là-dedans. Est-ce que c'est un des frères Baldwin? C'est un des frères Baldwin, non. En effet. Il joue le rôle de Animal Mother. Il y a plein d'autres acteurs peu connus, dont Bruce Boa, Ian Taylor, John Stafford. Mais ils sont excellents. Et t'as pas vu ça? Loussa, c'est tellement terrible, ce film-là. Là. T'as envie de vomir quand tu l'écoutes parce que c'est trop véridique. Ben, mais c'est un film de guerre. C'est un vrai film de guerre. C'est un vrai film de guerre. Dans le fond, c'est comme... C'est pas un jeu. Non, mais... La guerre. C'est pas pareil. Mais je vois qu'il y a quand même des règles. Ouais. Jeu. Non, je sais pas. Il y a un petit livret qui vient avec ça. Tu le lis, tout. C'est ça. Faut juste savoir que quand c'est la guerre, je suis pas avec de la plasticine. Mais tant qu'à dire n'importe quoi, allons écouter du Jésus. Allons écouter du Jésus? OK. C'est ça? Ben là, c'est ça. Parce que moi, j'avais tout fait un jeu de mots avec la règle du jeu de plasticine. Ah! Fait que tu gâches un peu la blague. Mais plasticine. Le jeu de plasticine? Ah, mais plasticine. Ah, mais Jésus, ça serait bon. Ah, mais plasticine. On va la repartir juste pour être fin avec eux autres. Ben oui, il mérite. Voici la règle du jeu de plasticine au palmarès, c'est faux, 89.1. Mais juste après, c'est Jésus Bench. FM! Si tu m'as laissé sur mon FM. Je sais, mais on gâche tout ici. T'es fin avec moi. Ouais. Une chance qu'on t'a repris, ça. Une chance? On va enlever son montage, là. Ouais. Comment tu devais jouer? Et je ferai en sorte que tu ne triches pas. Devant tes yeux, tous les dés sont lancés. Je joue avec toi. Que tu accepterais la règle du jeu, la règle du jeu. Maintenant je me retrouve seul dans ce jeu dangereux, jeu dangereux. Tu m'avais dit que tu accepterais la règle du jeu, la règle du jeu. Maintenant je me retrouve seul dans ce jeu dangereux, jeu dangereux. Nous étions d'accord, le jeu était codé. Je jouais le fou et tu étais mon roi. J'ai perdu ma vie sur le damier. Tu joues contre moi. Tu avais dit que tu accepterais la règle du jeu, la règle du jeu. Maintenant je me retrouve seul dans ce jeu dangereux, jeu dangereux. Tu avais dit que tu accepterais la règle du jeu, la règle du jeu. Maintenant je me retrouve seul dans ce jeu dangereux, jeu dangereux. Au départ moi je n'attends que toi. Tu grimpes à l'échelle pour attraper loi. Je ne suis peut-être pas celle que tu crois. Je perds contre toi. La règle du jeu de Plasticine, le numéro 1 francophone des palmarès, c'est fou cette semaine. Yeah! The number one. Yeah! The number one. Numéro uno. Numéro uno. Place, il était en deuxième position la semaine passée. Est-ce que tu t'attendais à ça, toi, DJ King? Non, je m'attendais pas du tout à ça, mais... Mais Mathieu, il savait, lui. Ah, mais Mathieu, il sait tout. Ouais, mais moi, c'est l'affaire, c'est comme tour de chapeau dans la troisième manche. Là, l'autre, il a frappé un coup dur. Maintenant, moi, je l'appelle plus Mathieu, je l'appelle Master. Master, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qui va être la première position la semaine prochaine? Ben, moi, je pense que l'uniforme va être ce qu'il y a. Ouais, c'est ça. Je sais pas. Numéro 1, tricot machine la semaine prochaine. Ouais, non! C'est bon, mais non! Pas particulièrement! Tu devrais garder ce personnage. Ah ouais, Ben non, Mathieu! On parle de parler, là! On parle de baseball, là! On plaque quoi? Hein? Ben oui! Ben, baseball et pilote! Ben oui! C'est ça! Ouais, là, arrête donc de faire ton fin finaux. Oh là! Mathieu, t'as quelque chose à nous apprendre, je pense? Oui, je pense qu'on devrait simplement arrêter de faire des niaiseries. Et voici le plancher! Le tour du monde des gens stupides qui font des choses stupides cette semaine, et comme à chaque quelques semaines quand ça me tente, on commence par un bébé qui se prénomme A commercial. What? Mmh? Non, mais c'est parce que... Attends un peu, là. Attends un peu. Elle s'appelle A commercial, là. Ça dit qu'elle, si elle se fait une adresse, c'est A commercial, A commercial, hotmail.com. À part si la fille, elle a un nom de domaine, tu sais. Non, personne, attends, ouais. Ça fait, tu sais, A commercial. Okay, mettons, je vais juste lire l'article. Ouais, vas-y, ben oui, garde-toi. Un couple chinois, premièrement, qui cherchait pour leur enfant un prénom moderne et sortant de l'ordinaire, a choisi, à la consternation des autorités du pays, le symbole AT, communément utilisé dans les adresses de courriel. D'après Li Yuming, un représentant du gouvernement chinois qui expliquait la situation en conférence de presse, le père explique son choix en soutenant que ce symbole est connu du monde entier, qu'il utilise quotidiennement pour ses communications électroniques et que sa prononciation anglaise ressemble à l'expression « aimez-le » en chinois. Les Chinois! Donc, en Chine, les parents de Hat ne sont pas seuls à rechercher pour leur poupon un prénom original s'éloignant des prénoms traditionnels. Le langage écrit chinois utilise un ensemble de caractères rendant difficile l'ajout de nouveaux mots ou idées. Donc, dans ce pays-là, les 129 prénoms les plus communs comptent pour 87%, imagine, des prénoms attribués. C'est dans le but de fuir cette uniformité, donc ils ont choisi ce nom-là. Dans l'Empire du Milieu, ce sont les autorités policières qui administrent les questions relatives à l'identité des citoyens. C'est quand même spécial. En commercial, Ping, son nom. En commercial, Ping, ben oui. C'est parce qu'ils ont des noms de main. Ah, ben oui, c'est ça. Comme en commercial, Ding Dong. Ou Ping Pong. Ou... Bon. c'est très, très bon. Autre nouvelle, tiens, cocasse. Ça se passe au Japon cette fois-ci. Oh! Eux autres sont fins, hein? Donc, ils étaient pas les Japonais. Un cycliste japonais ne s'est pas rendu compte que sa jambe avait été tranchée en bas du genou alors qu'il était arrivé à une barrière de sécurité. Il a continué pendant 2 km, laissant un ami pour ramasser le membre. Donc, oui, c'est vrai. Un travailleur de 54 ans était en motocyclette avec un groupe d'amis dans la ville de Hamamatsu, dans l'ouest de Tokyo, la semaine dernière, ou cette semaine. Et il n'a pas réussi à négocier une courbe dans la route et a frappé une barrière centrale. Donc, il a ressenti beaucoup de mal. Il avait vraiment mal, mais il n'a pas remarqué que sa jambe droite était manquante jusqu'à ce qu'il arrête à la prochaine jonction. Non, mais c'est ça. Et l'homme et ses jambes ont été sa jambe ont été amenés à l'hôpital, mais le membre était défait. Il a été crunché pendant la collision, donc ils n'ont pas réussi à la rattacher, si je comprends bien. Il était en bicycle? Oui, il était en vélo. Ça va bien pédaler, mais une jambe de moins, tu sais, je veux dire, tu t'en rends compte à un moment donné. Et là, le chirurgien en commercial a dit « Oh non, la jambe n'est pas récupérable. » Il a dit ça par courriel, évidemment. Et là, l'assistante a dit « Ben oui, c'est ça qu'elle a dit. » Oh non! Ah, c'est une vieille joke, là. Ouais. Pas sûr. Ouais. Il en perd, Simon. Il en perd avec le temps. Un peu. Ouais. C'est la fin des palmarès pour cette semaine, les gars. On doit se quitter comme ça parce que Kiwan s'en vient. Et d'ailleurs, Kiwan qui nous rejoint à l'instant de son studio en direct de Trois-Rivières. Le deuxième. Trois-Rivières-Ouest, excuse-moi. Ouais. Pour nous parler de ce qui se passe ce soir, tonight, à la dernière porte à gauche. Bonjour. Oui, bonjour. Ça va bien? Toujours. Vraiment bien. Toi, en commercial? Ah, moi, ça va très bien. Ping! Ah, mais tu sais, il y a un musicien là, de Guns N' Roses qui s'appelle Slash, donc pourquoi pas en commercial, tu sais, Slash commercial. Ah, c'est ça, ouais, point. C'est puis, on devrait le rentrer dans l'équipe, lui, il a des bonnes idées. Mm-hmm. Ouais. Mm-hmm. Il est présent, il est là. Qu'est-ce qui se passe ce soir? Oui, ce soir, à la dernière porte à gauche, il va y avoir beaucoup de musique folk pour souligner le fait que présentement à Québec, aujourd'hui et demain, c'est le Festival international de musique folk de Québec, donc il va y avoir beaucoup de musique folk à l'émission aujourd'hui, voilà. Génial, j'ai hâte d'entendre ça comme toujours, et c'est quand ça? C'est les vendredis en direct à 20h et en rediffusion les mardi et samedi à 17h. On sera là comme toujours. Simon Belle-Rose, Veilleux, et puis DJ King. Oui. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. J'espère. Master Plant. Oh, Master! Faut trouver un surnom pour Simon, c'est DJ King et Master quoi? Master Plant. Master Plant, ok. Je suis pas sûr. Simon B. C'est Simon B. Simon B, c'est très... Simon B. Simon B. Simon B. DJ King et Master Plant. Les Chinois! À la semaine prochaine, on commence à manquer de temps. Moi, je vous retrouve à la connexion, l'émission d'informatique et du vidéo jeudi, samedi, mardi à midi. Dans la chance au coureur, les vendredis à 10h et les samedis et mardis à 14h. Les palmarès et fous sont en direct le vendredi soir à 17h et en rediffusion le jeudi à 14h. Allez voir les liens de l'émission et la balado-diffusion en téléchargement en MP3 sur le www.unechance.com. De la part de Simon Belle-Rose Veilleux, Simon B. DJ King, on dira pas son vrai nom. Le secret va attendre d'ailleurs. Hein? Ah, peut-être la dernière émission, on va le dire. Peut-être, avec le fil du temps, on va faire comme la pause d'or. Ça se fait. Je m'appelle Mathieu Plante, en train de vous dire au revoir. Au revoir. Au revoir. On se laisse sur le numéro 1 anglophone. Voici Cry Tiger et Let Him Go, pas mal assez.